1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et on va parler d'un très vieux manuscrit cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons parler d'un manuscrit mixtèque, un document rarissime sous lequel on vient de découvrir un autre texte, figurez-vous. Nous en saurons davantage tout à l'heure en compagnie d'un spécialiste de la Mésoamérique, Christian Duverger, archéologue par ailleurs. C'est notre Indiana Jones du jour. Et puis nous retrouverons ensuite une autre héroïne. Pas Indiana Jones, mais Coco Chanel cette fois-ci. Coco Chanel. Alors là, nous allons voir comment Coco, depuis ses origines très modestes, va devenir la grande dame que nous connaissons. Et puis tout de suite, c'est une histoire inouïe encore que vous nous avez encore préparée. Encore une histoire de grande dame d'ailleurs. Et elle parle de quoi cette histoire inouïe? Ah là, nous allons en mer de Chine, à la rencontre des pirates du 19e siècle, mais surtout de celui qui dirige les pirates, je devrais dire de celle, car c'est une femme pirate. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Quand il est question de pirates, notre imaginaire occidental nous transporte naturellement dans les Caraïbes au XVIIIe siècle. Et pourtant, s'il fallait désigner la zone où ce phénomène a trouvé sa plus grande expansion, nul doute que la mer de Chine s'imposerait. Je vais vous parler aujourd'hui de pirates chinois, ou donc plus précisément d'une pirate chinoise. 1807, une escadre de 400 navires répartis en 6 escadrilles sillonne les côtes de la Chine en battant pavillon rouge parce que les pirates en Chine ont troqué le drapeau noir pour un drapeau rouge. Les 6 escadrilles sont composées de jonques de bois peintes chacune à sa propre couleur, l'escadrille bleue, la rouge, la verte, la jaune, la noire, la blanche. Sur un des bateaux, le maître incontesté de l'escadre, Ching Yi, descendant d'une lignée de pirates deux fois séculaires, Ching Yi affronte la tempête de l'année. Des creux de plusieurs mètres, des bourrasques terribles, des paquets de mer sur le pont et dans les cales. Les rafales de vent sont impressionnantes. Les vaisseaux sont secoués, chahutés. Les équipages complètement trempés sont mis à rude épreuve. Alors on s'abrite à bord où l'on peut, avec femmes et enfants, parce que ces jonques en 1807 emportent les familles des pirates. Il n'y a pas seulement des hommes à bord. Ching Yi, imperturbable, continue d'envoyer ses ordres, mais le fracas des flots couvre ses paroles. Partout, c'est la panique. Des hommes sont envoyés à la mer dans des cris d'effroi. Ching Yi n'a pas le choix. Il va lui falloir à son tour se mettre à l'abri du typhon. Seulement, alors qu'il était en train de s'engager sur l'échelle de pont, vous savez, une rafale le saisit, le déséquilibre et le grand amiral des pirates manque une marche. Sa tête heurte une grosse caisse de bois. Il perd connaissance. Quelques heures plus tard, le calme est revenu avec le soleil, mais à bord des jonques, c'est la désolation. Le typhon a fait de terribles dégâts. Il y a de l'eau partout, les mâts sont cassés, des pirates comme des fantômes sortent de leurs abris et c'est la désolation. Parmi eux, une femme en chapeau d'une trentaine d'années, femme belle, forte dans son habit chamarré, qui a l'air à peine humide. Tout le monde est dépenaillé après la tempête. Elle, on dirait qu'elle sort d'une boîte. Impossible de ne pas la remarquer tant elle rayonne d'une autorité naturelle. Elle porte une épée à la main, figurez-vous. Elle a été, il n'y a pas très longtemps, capturée, quand je dis pas très longtemps, il y a 15 ans, elle a été capturée dans un petit port, remarquée, choisie, élue par Ching Yi, qui a fini par l'épouser. D'ailleurs, tout le monde l'appelle Madame. Et elle cherche son mari, bien sûr. « Ching, Ching !» dit-elle. « Où es-tu ?» Il n'y a pas de réponse. Madame ne tarde pas à découvrir inconscient son mari rudoyé par la tempête. Elle va le soigner 3 jours durant, puis le veiller autant une fois mort, car le grand Ching Yi ne s'est pas remis de sa chute dans l'escalier. Madame devient donc Qing Qi, ce qui littéralement veut dire la veuve de Qing. Elle est respectée sans doute, appréciée peut-être par des hommes de la flotte pirate. Elle va en tout cas décider de prendre les choses en main. Elle a vraiment su saisir le destin. Tant pis si certains pirates haussent les épaules, parce qu'ils jugent une femme incapable de commander une telle escadre. Ce sont les mêmes qui ont fait circuler naguère la rumeur selon laquelle, avant sa capture, elle avait été prostituée. Qing Qi a le sens des convenances, elle attend une escale à terre, et là, d'une voix qui ne faiblit pas, sur un ton calme, un ton qui contraste avec la véhémence de son défunt mari, elle annonce sa grande décision, et elle l'annonce à tous. « Désormais, je suis votre capitaine. Vous devez tous m'obéir. » Alors, on imagine le léger murmure dans la foule et le flottement. Certains ne peuvent s'empêcher de ricaner, d'autres marmonnent des mots inaudibles. Mais la légitimité de la veuve est telle qu'en fin de compte, personne ne va vraiment broncher. Elle profite de la sidération générale, Madame Qing. Elle proclame immédiatement amiral, c'est-à-dire son bras droit, le fils qu'elle avait adopté avec Qing Yi. Il s'appelle Chang Pao. Il était jusqu'ici le commandant de l'escadre rouge, un jeune homme de 20 ans, orphelin, que le défunt Qing Yi avait remarqué pour sa bravoure. Et elle, Madame Qing, pour sa beauté, dire qu'elle commande à présent une armada de 400 navires, près de 70 000 hommes. Et c'est déjà le moment, l'épreuve du feu. Il n'a pas fallu 2 jours pour que les pirates fassent main basse sur une ville d'estuaire. Ils pillent tout. Ils s'emparent des denrées rares, des objets précieux, des habitants utiles. De nouvelles femmes sont capturées, tirées à bord des navires par leur chevelure. C'est comme ça qu'on procède. Qing Yi n'a même pas scié devant tous ces désordres. Dans son propre esprit, elle porte déjà le surnom que lui donnera l'histoire, la terreur des mers de Chine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est encore une histoire très étonnante que vous nous racontez aujourd'hui, Franck. L'histoire de cette femme pirate, bientôt appelée la terreur des mers de Chine, Qing Qi, une pirate du début du 19e siècle. Alors, est-ce qu'à l'époque, c'était courant d'avoir des femmes pirates ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Alors oui, en Chine, il y en a plusieurs. On a d'autres exemples de femmes pirates de par le monde. Vous voyez, dès le 5e siècle en Scandinavie, Alvilda de Gotland, qui était la fille d'un couple royal, a pris tôt la décision de s'habiller en homme et de devenir capitaine de navire. Elle avait un équipage qui était uniquement féminin et elle a choisi la piraterie pour échapper à un mariage que ses parents avaient arrangé pour elle avec rebelle. Un prince danois. Mais oui. Donc, alors, je vous parle d'elle, on a une seule source, hein, et qui est une source du 12e siècle, c'est-à-dire qui parle d'elle 7 siècles après les faits. Mmh. Tout ça est à prendre avec des pincettes. Moins légendaire, au début du 18e siècle, 2 femmes, alors là, très célèbres, l'anglaise Mary Read, vous savez, et l'irlandaise Anne Bonny, qui se sont rencontrées dans des circonstances obscures et qui toutes deux faisaient partie de l'équipage du célèbre pirate John Rackham. Ah oui. Mary Read, toujours habillée en homme, Anne Bonny était la maîtresse de John Rackham, et puis elle est tombée amoureuse de Mary Read parce qu'elle l'a pris pour un homme. Elle l'a prise pour un homme puisqu'elle était habillée en homme, vous savez, jusqu'à ce qu'elle découvre. C'est une belle histoire. Ça aussi, la raconter, c'est une histoire inouïe. Ouais. Et puis, alors bien sûr, nous en avons parlé il y a 2 ans, je crois, ici même. Jeanne de Belleville, au début du 14e siècle, en France, a été une femme pirate. Elle voulait venger la mort de son mari, Olivier de Clisson, vous savez, qui avait été décapité sur ordre du roi de France après avoir été injustement, à ses yeux, accusé de trahison. Jeanne de Belleville va donc affronter les navires marchands du Royaume de France. Ça, c'est tout à fait historique. Voilà pour ces femmes pirates. Alors, retour maintenant en mer de Chine, au début du 19e siècle, avec Qing Qi. Oui, et nous sommes en janvier 1808. Ça fait quelques mois maintenant que Qing Qi est à la tête d'une impressionnante flotte de pirates. 600 navires, je vous ai dit, 70 000 hommes. Son territoire est très grand. Hein. Il s'étend de la Malaisie jusqu'à la Corée. Elle règne en maître sur le monde de la piraterie asiatique. Je vous ai dit qu'on l'avait qualifié de terreur des mers de Chine. De nombreux navires marchands sont pillés, y compris ceux des Européens. elle met toutes les villes qui sont qu'elle croise à sac. Sur les bateaux, la nourriture est abondante. Enfin, on peut dire que c'est un très grand succès. Le gouvernement, si je puis dire, de cette Qingxi. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là ? Bien, par le fruit d'un réseau d'espionnage qu'elle a réussi à mettre en place très vite. En quelques semaines seulement, désormais, les pirates sont renseignés à l'avance sur le moindre événement des ports et des côtes, ce qui rend évidemment leur tâche beaucoup plus facile. Ce réseau, Madame Qing l'a constitué avec le concours de son fils adoptif, Shang Pao, le nouvel amiral, un fils adoptif dont elle n'a pas hésité à faire son amant. Entre eux, les pirates commentent cette effarante nouvelle, Madame Qing qui vit donc avec Shang Pao. On commente à voix basse, même à voix très basse, parce que la nouvelle amirale a su se faire craindre. La discipline sous son règne atteint des sommets. Un exemple, Qingxi un jour est tirée de sa sieste par une bagarre entre deux chefs pirates. Elle interrompt son repos, s'interpose au moment où les deux hommes étaient sur le point de tirer leur épée. Et évidemment, ils s'arrêtent aussitôt, ils s'inclinent devant elle. Elle ne va pas les laisser s'en aller aussi tranquillement, bien entendu. Sur un geste, quatre hommes de main immobilisent les deux hommes, déchirent leurs chemises, leur nouent les mains à un poteau et sortent les fouets. 50 coups cruels avant la mise au fer. Et Madame Qing va plus loin. Depuis sa prise de fonction, elle a carrément mis en place un véritable code de la piraterie. Il faut dire que son mari avait déjà montré la voie. Par exemple, un cinquième des prises allait déjà au capitaine des jonques et le reste alimentait une caisse commune et en fait on procédait ensuite à un partage équitable. Le code de Qingxi règle beaucoup plus la discipline. Les châtiments corporels deviennent le lot quotidien des équipages. Si un pirate déserte, on lui coupe une oreille et il doit la porter autour du cou. La seconde fois, c'est carrément la mort. Chaque exaction maintenant correspond à une punition sévère, etc. Avec beaucoup de mises à mort. Madame Qing a réussi à mettre en ordre, si je puis dire, toutes ces embarcations pirates grâce à une discipline de fer, tout simplement. Elle s'intéresse aussi au sort des femmes captives. C'est son sort à elle, ne l'oubliez pas, c'était son cas. Si un simple pirate entretient des rapports sexuels avec une prisonnière de haut rang, même si elle est consentante, lui est décapité et la captive est jetée à la mer, des poids accrochés aux pieds. Le seul moyen pour un pirate désormais de s'unir sexuellement à une détenue, ce sera de la prendre pour épouse, sous peine de mort. Au reste, bien des captives vont refuser les mariages qui leur sont proposés et elles préfèrent se suicider en se jetant à l'eau. Mais le plus extraordinaire dans l'histoire de Qingxi, ce sont les liens qu'elle va tisser avec la cour impériale dès la fin de 1808. Oui, vous m'avez bien entendu, cette femme pirate, cette criminelle, si je puis dire, va devenir l'interlocutrice de l'envoyé de l'empereur de Chine. Le jour où la flotte impériale croise l'escadre de Madame Qing, évidemment ça fait des étincelles. Vous savez, les pirates ont une habitude dans ce genre de circonstances, ils se cachent, ils font comme si les jonques étaient vides, comme si c'était une sorte d'armada fantôme, si vous voulez. Puis au dernier moment, au moment de l'abordage, alors là, tout le monde sort et c'est l'empoignade. Certains soldats impériaux sont éventrés, on les jette à la mer, d'autres sont capturés, etc. Les pirates de Madame Qing, ce jour-là, vont s'emparer de plus de 60 navires, ce qui est une prise considérable. Et on apprend, quelques jours plus tard, que le commandant de l'escadre n'a pas supporté l'humiliation que lui a fait subir Madame Qing. Le commandant officiel de la flotte impériale a fini par mettre fin à ses jours. On a pris beaucoup de bateaux, il n'y a plus de commandant. Ça justifie que le gouvernement se pose des questions. Bien sûr, on est obligé, pour vous donner une idée, on est obligé d'acheter des bateaux de pêche pour combler les vides. Quelques mois plus tard, nouvelle alerte, les Chinois, enfin le gouvernement devrais-je dire, envoient des bateaux suicides chargés de paille et d'explosifs. Seulement les hommes de Madame Qing arrivent à éteindre les incendies et ils s'emparent encore une fois d'un grand nombre de navires. Tout ça devient un véritable problème pour le gouvernement. C'est un problème aussi de son côté pour Madame Qing qui n'est pas rassurée. Elle sait que le danger le plus menaçant se situe à l'intérieur même de la flotte, puisque des rivalités apparaissent maintenant entre les différents chefs d'escadrille. Et un matin, un des proches de Qing Shi accourt auprès d'elle essoufflé. L'escadre de Haut Potai, dit-il, a livré une bataille contre celle de Chang Pao, donc son complice. Des jonques ont été coulées, des hommes sont morts. Et là, Madame Qing se dit qu'il est grand temps pour elle de réagir. On se demande même si elle n'a pas pleuré ce matin-là. En tout cas, elle s'est retirée dans ses appartements. Après avoir perdu son mari, elle se demande si elle ne va pas perdre celui qu'elle aime, ce Chang Pao, ce capitaine qui est un petit peu son premier ministre, si vous voulez. Elle se sent responsable parce qu'elle savait que Haut Potai, à la tête de l'escadrille verte, aussi brillant que redoutable, ce Haut Potai, qui a toujours été jaloux de Chang Pao, elle savait qu'il était en train de monter tout un plan contre lui. Dans les jours qui suivent, on peut dire que ce sont des jours très durs pour elle. On est sans nouvelles de Chang Pao. Et puis, un soldat finit par arriver avec de nouvelles informations. Chang Pao est vivant. Madame Qing est rassurée, mais 16 jonques ont été coulées, 300 soldats sont morts, enfin 300 pirates devrais-je dire, et surtout, Haut Potai a écrit à l'empereur, il demande une amnistie. Ça rend Madame Qing ivre de rage. Ce Haut Potai est un lâche. Il a lancé une bataille pour prendre le contrôle de la flotte pirate et comme il est en train de perdre, eh bien maintenant il est en train de demander une amnistie au gouvernement. Il s'est retourné. Madame Qing prend le temps de réfléchir. Elle se dit que si Haut Potai a demandé une amnistie, elle devrait peut-être le prendre de court et en faire de même. C'est l'occasion ou jamais parce que tôt ou tard, le gouvernement impérial va se donner les moyens de venir à bout de la flotte pirate et à ce moment-là, il sera trop tard. Madame Qing est une femme prévoyante. Ce n'est pas seulement une chef d'armée extraordinaire, c'est ce que l'on peut appeler un véritable stratège. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Madame Qing Shi, la pirate que nous découvrons aujourd'hui, est une redoutable femme, une chef de guerre très stratège. On vient de le découvrir avec vous et avec ses batailles qu'elle a livrées pendant toute sa carrière. Elle veut contrer son ennemi Haut Potai, qui lui a demandé l'amnistie et de son côté. Ça fait 3 ans, en 1810, que Madame Qing domine la mer de Chine avec son impressionnante flotte de pirates. Seulement, elle a bien conscience de la précarité de sa position et elle va profiter de cette initiative isolée du traître Haut Potai, traître à ses yeux, pour prendre langue avec le gouvernement impérial. Et on lui envoie un gouverneur. Et la première rencontre a lieu sur les eaux, dans le delta du Xiqiang. Le gouverneur arrive à bord d'une jonque impériale somptueuse. Madame Qing, de son côté, montre tout ce qu'elle peut montrer. On a bien aligné la flotte, elle est impressionnante. On a fait sortir tous les grands pavillons, on joue de la musique, etc. Tout ça pour impressionner le gouverneur qui, entre nous, est surtout impressionné par la beauté, par l'élégance de cette dame. Et puis, coup de théâtre, dans la soirée, apparaissent sur le delta des vaisseaux portugais, qui sont les alliés du gouvernement. Et là, Madame Qing se dit que c'est une trahison, qu'on lui a tendu un piège. Les pourparlers sont rompus. Les ministres impériaux vont néanmoins tout faire pour reprendre les négociations. Tout ça va durer des mois. Madame Qing va finir par organiser une sorte de grand cortège et elle va finalement venir avec les épouses et les enfants des pirates dans le port de Canton où elle retrouve le gouverneur. Alors, on exécute bien quelques pirates, d'autres sont bannis, mais disons-le, la plupart des pirates vont être amnistiés. C'est un grand succès pour Madame Qing qui repart avec son butin, si je puis dire. Elle ira avec tout ça ouvrir une maison de plaisir à Canton. Toutes les charges contre elle sont annulées. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et pourtant, elle en a donné des morts sur la conscience. Elle mourra elle-même seulement en 1844. On pense qu'à l'époque, elle n'avait que 69 ans. l'actualité, vous avez peut-être vu passer cette information. Un manuscrit mexicain d'origine mixtèque aurait été décrypté plus en profondeur. Et nous aussi, nous allons plus en profondeur cet après-midi avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Christian Duverger. Il est anthropologue, archéologue, directeur de la chaire sociale et culturelle de la Mésoamérique à l'École des hautes études en sciences sociales. Bien, voilà un titre. Dites-moi, bonjour Christian Duverger. Bonjour, merci de votre invitation. Merci de venir éclairer notre lanterne. Vous savez, nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans l'actualité historique cette année. Et quand arrive comme ça une nouvelle, on aime bien en savoir davantage. Alors, ce que l'on a découvert, disons-le tout de suite, ce n'est pas un nouveau document, puisque, en l'occurrence, ce codex, qu'on appelle le codex Selden, on le possédait depuis très longtemps. Hein. Oui, il est à Oxford. La Bodleian Library. Il est entré dans les collections au XVIIe siècle, mais c'est un manuscrit qui est ou préhispanique, c'est-à-dire antérieur à l'arrivée des Espagnols, ou complètement contemporain de l'arrivée des Espagnols. Et ce manuscrit avait été depuis longtemps déchiffré, en tout cas pour ce qu'on pouvait en voir. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'on a réussi, grâce à des technologies très très sophistiquées, à lire ce qui se trouve dessous, d'une certaine manière. Alors il faut expliquer que dans le monde préhispanique, il y a de l'écriture et il y a des livres. Ce qu'on a, oui, quelquefois a tendance à oublier. C'est un monde. Quand vous donc, dites préhispanique, c'est donc cette Amérique, en l'occurrence cette Amérique centrale. Cette Amérique à l'époque, indigène. Voilà, c'est ça. Le Mexique, l'Amérique centrale, il y a des livres. Comment sont fabriqués les livres? Ce sont des bandes de peau de cervidés, généralement, tannées, et recouvertes de stuc. C'est-à-dire, c'est un mélange de plâtre, de calcaire. Et on peint sur le stuc. Alors évidemment, comme c'est relativement difficile à fabriquer, long, quelquefois, on remet une couche de stuc et on réécrit par-dessus. C'est ce qu'on appelle le palimpseste. Un palimpseste, voilà, c'est-à-dire voilà. Réécrire par-dessus un texte existant. Et alors, ce qui a été mis au point, et c'est pour ça qu'on ça a fait l'actualité là, ces jours-ci, c'est qu'il y a une nouvelle technique d'imagerie hyperspectrale qui permet, vous savez que l'œil humain ne se limite au rouge et au violet, donc on ne perçoit pas ni les infrarouges ni les ultraviolets. Et cette imagerie a étendu le spectre, c'est pour ça qu'elle s'appelle hyperspectrale, et donc ça permet de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et alors cette technique a permis de lire, mais avec une très grande netteté, il faut dire, Qu'est-ce qu'on a lu au-dessous? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une nouvelle technologie nous permet d'en savoir plus sur le fameux codex Selden. On parle de l'histoire de la Mésoamérique avec votre invité, Franck Ferrand, Christian Duverger, anthropologue, archéologue et directeur de la chaire sociale et culturelle de la Mésoamérique à l'École des hautes études en sciences sociales. Le HESS, comme on dit. Alors, Christian Duverger, avant de venir au fond de l'affaire et de comprendre ce que nous apprend ce texte, revenons peut-être un instant sur le codex lui-même. Pouvez-vous nous en raconter l'histoire à grands traits? Non, parce qu'on ne la connaît pas. La plupart du temps, ces manuscrits sont... D'abord, on en a très peu, une dizaine. On a une dizaine de manuscrits préhispaniques. Mais nous savons évidemment comment ils étaient fabriqués, grâce à ces survivants. Mais évidemment, ils ont dû, pour parvenir à nous, échapper à quand même beaucoup d'autodafés. Oui, ils ont été détruits parce qu'on pensait au départ que c'était des représentations de Dieu, que c'était donc idolâtrique. C'était profondément hérétique pour l'époque, du point de vue... En réalité, on n'a pas compris ce qui se passait, on n'a pas compris que c'était des livres d'histoire, car c'était des livres d'histoire. Et parce que cette écriture se présente de façon figurative, c'est-à-dire au lieu d'avoir des signes conventionnels, comme nous utilisons, des signes d'alphabet, on utilise la figuration, qui peut être la figuration humaine, la figuration animale, ou même des symboles. Et cette écriture est idéographique, c'est-à-dire ce qui est écrit, c'est une idée et non pas une langue. Voilà, c'est ça. Par exemple, quand nous traçons sur un papier le chiffre 2, on peut le lire dans n'importe quelle langue. Ça peut être tout, ça peut être deux, ça peut être zwei. C'est le même principe. C'est ce qu'on appelle l'idéographie. Donc ils ont fait le choix de l'idéographie parce qu'il y avait plusieurs langues parlées sur le même territoire. C'est-à-dire qu'on pouvait, à partir d'un même texte, le lire de façon très différente, mais avec le même sens. On peut dire voilà, ça. On accédait directement au sens et chacun pouvait le phonétiser dans sa langue. Donc si c'était des Michtecs, ils le phonétisaient en Michtec, si c'était des Nahua, en Nahua, etc. Chacun pouvait lire dans sa langue. On possédait ce codex Selden, celui qui nous intéresse, à Oxford, à la Bodleian Library, depuis donc très longtemps. On avait lu ce qui était en surface et grâce à cette analyse hyperspectrale, on peut désormais lire ce qui se trouve dessous. Que nous apprend cette découverte ? Alors, en réalité, il me semble que ce qui est écrit dessous, c'est quelque chose, c'est un ajout du moment de la colonie. Parce que ces manuscrits qui enregistraient l'histoire des cités, car le système est organisé autour de cités, ces cités ont un territoire. Un territoire qui est organisé d'ailleurs pas seulement comme un territoire administratif, mais comme un territoire symbolique, où le nord, le sud, etc. ont des fonctions symboliques. C'est-à-dire que ça va très au-delà de ce qu'on appellerait notre géographie. Il y a des composantes donc symboliques et culturelles très importantes derrière. Donc ça, c'était écrit dans des manuscrits. Et presque tous les manuscrits se présentent à la fois comme des sortes de généalogie. Il y a une sorte de définition de la continuité de l'occupation du territoire par un groupe. Mm-hmm. Un peu comme dans les sagas nordiques, hein. On a comme ça une longue généalogie qui commence le texte. Voilà, elles sont plus ou moins mythiques, ça c'est pas très important vraiment. L'important c'est la continuité de l'occupation du territoire. Ça veut dire, nous sommes là depuis très occupants de ce territoire défini de telle sorte depuis longtemps. Donc il y a à la fois des personnages, il y a des glyphes qui représentent des lieux, des toponymes, et il y a des dates de calendrier, ce qui indique bien qu'on est dans un système d'histoire. Alors, comme ça représente des territoires, au moment de l'arrivée des Espagnols, tous ces manuscrits anciens ont été présentés pour dire, regardez, nous sommes les légitimes propriétaires de ces territoires. Et quand après on est passé à un système d'imposition, c'est-à-dire que la couronne espagnole a dit qu'il faut payer des impôts. Quelle drôle d'idée, payer des impôts. Mais enfin, bon, ça existait quand même à l'époque préhispanique sous une autre forme. Mais quand on est passé à la dimension fiscale de l'occupation espagnole, à ce moment-là, chacun a dit, mais non, là, on est beaucoup trop taxé, notre territoire, c'était ça. Et donc, on utilise ces documents anciens pour prouver un certain nombre de choses, et notamment pour dire tout en jamais, on n'a jamais payé d'impôts, donc je vois pas pourquoi on va en payer maintenant. Donc, il y a eu des opérations de réécriture, si vous voulez, de certains manuscrits au moment de la conquête. Mmh. Et ce qu'il y a donc dessous. Ça, c'est la partie supérieure, c'est ce qu'on voyait de façon apparente. Oui. Et ce qu'on vient de découvrir dessous, ça, c'est le texte original, plus ancien. Oui, mais qui est probablement un texte qui a été mis en place au moment de la conquête. Ah oui. Oui. Et puis, finalement, les auteurs se sont dit, on va passer à une autre version parce que celle-là est peut-être un peu discutable. Alors, on a mis une couche de stuc et on a repeint une partie. Mais évidemment, il y a certaines parties qui sont restées voilées. Donc, on ne voyait rien jusqu'à présent. On ne peut pas dire que cette découverte nous apporte grand-chose. Ce qu'elle apporte au public, c'est un coup de projecteur inespéré sur les Mixtecs, dont on ne parle jamais entre nous. Alors, les Mixtecs sont les habitants d'une région qu'on appelle Oaxaca, avec un site très, très connu qui s'appelle Monte Albán, et je le connais particulièrement puisque j'y fouille. Je fais des fouilles archéologiques. Je vais partir dans quelques jours faire une autre campagne. Et ce sont les occupants d'un territoire qui est composé à la fois de hauts plateaux et d'une partie côtière du côté du Pacifique. Et c'était en réalité une partie de la Mésoamérique, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Mésoamérique est un territoire où la pensée, les pratiques rituelles, les pratiques d'organisation du pouvoir sont similaires partout sur le territoire, mais il y a des variantes locales parce que le dosage des peuples qui occupent la Mésoamérique varie selon les lieux. C'est-à-dire à certains endroits, il y a plus, les Michtecs parlent une langue qu'on appelle l'otomi, qui est une langue très très Michtec donc. Hein, pas moi mix. Je dis Michtec parce que le X, c'est un che, ouais. Ça s'écrit avec un X, mais on dit plutôt Michtec. Et ce sont les occupants de cette région de Oaxaca, mais ce sont des Mésoaméricains. Parmi les Mésoaméricains, ils parlent une langue qui vient du fond des temps, qui est une variante d'un phylum qu'on appelle la langue otomie. Mais évidemment, il faut dire que dans la zone dite Mixtec, il y avait d'autres groupes qui parlaient d'autres langues, et notamment les Nahuas, qui est la langue dominante en Mésoamérique. Alors c'est ça qui est intéressant dans cette affaire. À quelle époque, cette civilisation, ces Mixtec Alors si vous voulez, la Mésoamérique, ça va de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1521 après, qui est la date d'arrivée de Cortés à Mexico. Donc, 1521, chute de Mexico, Tenochtitlan. 3000 ans avec des cultures évidemment qui se succèdent. Voilà. Oui, mais ce sont les mêmes. Souvent, comme les noms, quelquefois on a changé les noms au fil des âges pour donner des étiquettes à des styles. Mais donner des étiquettes à des styles, ça ne veut pas dire que les hommes changent. En réalité, ce sont toujours les mêmes qui sont là depuis l'origine et qui ont fabriqué cette ère culturelle, qui est une ère culturelle de haute pression culturelle, où il y a de l'écriture, où il y a de la mémoire, où il y a l'enregistrement de l'histoire. C'est pour ça que, si vous voulez... Vous pouvez nous en raconter une de ces histoires? Il y en a une qui se détache des autres que... C'est un peu toujours la même chose. L'idée, c'est qu'avant d'être sédentaire, l'homme a été nomade. Et tous les manuscrits nous racontent le processus d'accaparement de la terre. Donc, il y a sédentarisation, toujours... Sédentarisation, en fait. Hein. Oui, ça décrit toujours le processus de sédentarisation qui légitime l'occupation territoriale. Donc, on voit toujours des scènes de migration. Alors, on a des glyphes toponymiques qui nous indiquent que le groupe est passé par là, par tel endroit. Et puis, on voit le moment où le groupe décide de s'installer. Et à ce moment-là, on a les frontières du territoire occupé par le groupe. Pratiquement, c'est la thématique de tous les manuscrits que nous avons. Mais nous avons aussi des manuscrits qui concernent plus spécifiquement le contenu du calendrier. Alors, c'est un calendrier complexe, parce que tout ce qui est mésoaméricain est hautement complexe. Mais on a beaucoup de manuscrits historiques. Et ça me plaît d'utiliser le mot « histoire », parce qu'on a trop souvent nié à ces populations leur dimension historique. On n'est pas dans la proto-histoire, on est bien dans l'histoire grâce à ces textes dont vous nous parlez. On est dans l'histoire. Merci infiniment, Christian Duverger. Je vois dans le regard d'Anissa que vous nous avez fait rêver. C'est merveilleux. Vous nous avez transporté. Bon voyage et bon courage pour les fouilles que vous allez poursuivre maintenant. Merci. Cette semaine, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous raconter l'incroyable destin de Coco Chanel, celle qui représente le chic à la française. Et oui, et vous savez, c'est un journaliste de l'Humanité qui, il y a une quinzaine d'années, posait la question à Edmond Charleroux, biographe de Coco Chanel, à lui demander si c'était un génie de la vie. Et voilà ce que répond Edmond Charleroux. Elle savait attraper au vol les questions positives que la vie nous pose au lieu de les éluder et de s'en détourner. Gabrielle Chanel était comme une abeille. Elle a fait de ses mains son alvéole jour après jour, commençant dans une chambre de château où elle était une femme entretenue. Les jeunes femmes qui acceptaient de vivre hors mariage avec les fils de famille étaient alors vouées tôt ou tard à la misère. Eh bien, elle est sortie de cette condition pour se retrouver couturière. Elle a boulonné, elle a commencé par faire des chapeaux pour ses copines. Elles étaient d'immenses comédiennes. Elles lui ont fait une publicité à tout casser. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Sur l'abus d'alcool. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est Coco Chanel qui nous accompagne toute cette semaine. Nous sommes au cœur de son grand destin. Alors hier, vous nous disiez qu'elle était née à Saumur. Elle a passé une partie de sa jeunesse à Moulins, à Vichy. Coco Chanel vit maintenant chez Étienne Balzan. Et oui, et cette jeune femme très mince, très brune, au visage émacié, au très vif, qui fascine les invités, s'adapte très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. La vie lui paraît délicieuse auprès d'Étienne Balzan. Néanmoins, elle est sans doute trop fière et trop indépendante pour envisager de se contenter de cette situation par ailleurs très agréable. Gabrielle veut absolument voler de ses propres ailes, ce qui à l'époque et dans sa position revient à faire preuve d'une originalité hors du commun, c'est ce que disait Edmond Charleroux il y a un instant. Alors, évidemment, elle ne connaît pas grand-chose de la vie et elle ne sait pas faire énormément de choses en dehors de la couture, je vous l'ai dit, puisqu'elle était couturière. Elle réclame un modeste atelier de modiste. Elle a toujours eu la passion des chapeaux, des coiffures, etc. elle va avoir son atelier très bien placé, avenue Gabriel, et puis bientôt l'atelier déménage rue Cambon, ça y est, nous y sommes. Et à partir de 1913, on voit Gabriel, Coco comme tout le monde l'appelle déjà à l'époque, on la voit ouvrir une boutique de mode à Deauville. C'est exactement ce qu'il lui fallait, Deauville. Tout lui plaît là-bas. Il y a le cheval, j'ai peut-être pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais elle adore monter à cheval, elle y passe son temps. Il y a le cheval, sur la plage, vous imaginez, il y a la mer, bien sûr. Et puis cette société extrêmement élégante, en même temps assez jeune, et qui adopte les modes vestimentaires à l'anglaise à Deauville, bien entendu. On s'y promène beaucoup plus décontracté qu'à Paris. Et ça, d'emblée, ça parle à Gabriel. Peut-être que c'est l'effet de ses origines paysannes, ses origines très simples, éloignées de toute complication. En tout cas, elle n'aime rien tant qu'être décontracté. Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir. Il faut vous dire quand même qu'à cette époque, les tenues des dames, je vous dis bien 1913, les tenues sur lesquelles règne le grand styliste Paul Poiret sont de véritables harnachements extrêmement compliqués. Il y a tout ce jeu de corsets, de baleines, de traînes, les coiffures alambiquées, extrêmement lourdes, tout ça peut faire près d'un mètre de haut quand même. Je ne résiste pas au plaisir de citer Jean Cocteau qui, à propos de ces tenues des dames de la Belle Époque, parle, je cite, de ces scarabées sacrés ornés de pinces à asperges, dit-il, ces samouraïs de zibeline et d'hermine, ces cuirassiers du plaisir que harnachaient et caparaçonnaient dès l'aube de robustes soubrettes. Et Cocteau ajoute, l'idée de déshabiller une de ces dames était une entreprise coûteuse qu'il convenait de prévoir à l'avance comme un déménagement. C'est vrai, bon, il en rajoute peut-être un peu, mais c'est vrai que c'était vraiment très compliqué tout ça. Et n'importe qui d'un peu intuitif aurait pu penser qu'un jour ou l'autre, ça allait toucher à sa fin, qu'on allait simplifier tout ce harnachement, et c'est donc là qu'intervient Chanel. Elle les observe, ces dames élégantes, à commencer par les grandes cocottes. Elle perçoit tous les petits changements qui pourraient leur rendre, pour peu qu'on s'y attache, qui pourraient leur rendre la vie plus facile. Moins de falbalas, plus d'aisance, des boutons vrais et non pas des boutons factices qu'on collait partout, de vraies poches et non pas des décors inutiles, des coutures droites tout simplement, des formes assouplies. L'époque est mûre pour ça, d'autant plus que la guerre de 14 va bientôt faire exploser les anciennes catégories. D'un seul coup, nécessité faisant loi, les femmes deviennent actives. Elles s'imposent partout, elles gagnent une indépendance toute neuve, on a eu l'occasion de le dire souvent, bien entendu, et on peut dire aussi que d'une manière plus pratique, les élégantes du tout Paris sont nombreuses à cette époque à s'être justement réfugiées où ? Dans les villes, dans les cités balnéaires et notamment dans les stations balnéaires et notamment à l'hôtel Normandie de Deauville. Ça tombe bien puisque juste en face du Normandie, vous avez une petite boutique où tout le monde se précipite. C'est une des rares boutiques qui soit restée ouverte pendant la guerre. Ça tombe bien, elle ne désemplit pas. Vous aurez compris que c'est déjà à Deauville, en pleine Première Guerre mondiale, la boutique de Coco Chanel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Coco Chanel veut libérer les femmes, elle devient une modiste à contre-courant et elle a une boutique à Deauville qui connaît un immense succès alors que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Et dès avant la guerre, chez Étienne Balzan, elle avait fait la connaissance d'un Anglais fortuné, il possède des mines de charbon tout à fait stratégiques, il s'appelle Arthur Cappell. On le surnomme Boy et Boy va devenir l'amour de Coco. Il entreprend de faire son éducation artistique et mondaine. On les voit partout ensemble, à Biarritz, à Paris bien sûr, et puis à Deauville. Et la légende veut que la révolution Chanel ait eu lieu sur le yacht de Boy lors d'une croisière au départ de Deauville justement. Il fait un petit peu frais, il y a du vent, vous savez, il y a des embruns. Enfin, on est en Normandie, hein, ceux qui connaissent bien la Normandie me comprendront. Et un gentleman à bord qui retire son chandail et qui le propose à Coco. Elle le met sur ses épaules et là elle dit mais c'est une merveille. Elle adore le côté un peu robuste de ce vêtement évidemment qui n'a pas été conçu pour une femme avec justement ses coutures très droites, etc. Ça lui plaît énormément. Elle a l'idée de garder le chandail et elle voit surtout dans le regard des hommes qui sont à bord, elle voit une espèce de trouble. C'est vrai qu'elle qu'elle est ravissante, elle n'a peut-être jamais été aussi belle de sa vie, mais là, en plus, dans ce costume masculin, ça lui donne un côté androgyne, évidemment, qui a quelque chose d'un petit peu particulier. Et dès qu'ils arrivent au port de Deauville, elle a une idée, elle dit « Et si nous allions prendre un verre au bar du soleil ?» Autrement dit, elle va se faire voir comme ça sur les planches. Ça a un succès phénoménal, toutes les femmes veulent en faire autant. Le lendemain, sur les planches à Deauville, on ne voit que des femmes qui portent des vestes et des chandails d'hommes. Donc vous voyez, la mode a mis 24 heures à se faire. Et là, Coco se dit qu'elle a trouvé quelque chose. Et je cite d'ailleurs Gilbert Gimino. Il nous dit que sortant de cette croisière, la mode était faite. Et bien maintenant, dit-elle, puisque c'était des chandails que voulaient ces dames, maintenant il n'y a plus qu'à tricoter. Henri Gidel, l'ami Henri Gidel, a consacré une grande biographie chez Flammarion à Coco Chanel et il écrit notamment ceci qui est très juste. En fait, la révolution opérée par Gabrielle ne se limitera pas au choix de nouvelles matières. Naguère, c'était l'aspect décoratif du vêtement féminin qui était la préoccupation essentielle des couturiers. Eh bien, aux yeux de Chanel, c'est la silhouette générale, la ligne qui doit primer. Il est urgent de la débarrasser de tous les ornements superflus. Et sitôt la paix revenue au lendemain de cette Première Guerre mondiale, Chanel va donc lancer une mode radicalement nouvelle. Mode qui rencontre tout de suite l'adhésion de toute une partie de la gent féminine. Et il faut vous dire que toutes ces dames en avaient un petit peu assez des colifichets, des dentelles et des froufrous. Elle va même plus loin, puisque Coco Chanel va avoir cette idée incroyable d'emprunter un certain nombre d'accessoires de mode aux tenues des employés, des ouvrières, des domestiques même. Prenez les petits cols blancs, vous savez, les cols Chanel. Eh ben, c'est exactement les cols que portaient les bonnes autrefois, hein, sur leur petite robe noire. Le côté bleu marine et blanc, c'était la tenue qu'elle avait elle-même à l'orphelinat, etc. Vous voyez, elle va faire entrer dans le grand monde, si je puis dire, et dans la haute mode. Elle va faire entrer des codes, des habitudes, un style qui jusqu'alors étaient réservés aux petites gens. Ce changement de style, du reste, ne va pas se limiter aux vêtements. Pour fêter ses premiers 200 000 francs de bénéfices, 200 000 francs, francs or, hein, de l'époque, c'est vraiment beaucoup d'argent, elle décide de se couper les cheveux. Et elle le fait savoir, bien entendu, on ne parle que de ça à Paris. La physionomie qui désormais sera la sienne, ce genre garçonne un peu effronté comme ça, cette physionomie va faire le tour non seulement de la France, mais de l'Europe, mais du monde entier. Elle est en train de changer la façon de se présenter, tout simplement. C'est elle aussi qui, la première, va se laisser brunir le visage au soleil. À l'époque, ça ne se faisait pas, fallait être très très blanche, vous savez. Eh bien, là encore, elle va créer la mode et dès la saison suivante, on verra toutes les Parisiennes un peu aisées qui voudront avoir justement le teint allé. C'est assez extraordinaire. On a l'impression que lorsque Chanel a une idée, immédiatement, tout le monde se met à faire la même chose. C'est assez étonnant. Je finirai, comme j'ai commencé, par Edmond Charleroux qui nous dit « Elle a changé la vie des femmes. Les autres l'ont embellie. Chanel a installé les femmes dans le 20e, sinon même dans le 21e siècle, inventant tout. Les femmes ne sont plus esclaves de leurs robes. Elles ont dominé la mode à travers la tenue suggérée par Mademoiselle Chanel. Elle a été novatrice en tout, dans sa manière d'être, dans l'utilisation de son argent, le mécénat qu'elle a fait tellement délicatement en aidant les artistes sans vouloir être nommés. Elle était une novatrice et nous dit Edmond Charleroux, novatrice, je crois que le mot se suffit à lui-même. » Un novateur sur l'antenne d'Europe 1 tous les après-midi. Bonjour Nico Saliagas.